montañas y mares, la flora, la fauna, la vida peligra. Río, montañas y mares, llanura, desiertos y lares. Río, montañas y mares, la flora, la fauna, la vida peligra. Maintenant il pleure. Río, montañas y mares, llanura, desiertos y lares. Río, montañas y mares, la flora, la fauna, la vida peligra. You can live with love, you can live with vous raconter une histoire. Toute forme de déprédation, exploitation, contamination et abus ont causé de grands dommages à notre planète, madre et tierre, source de vie, alimentation et savoir. You are the